FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, Télévision, Jean-François Barry animera l'émission matinale de V à l'automne. Si je peux lui suggérer un titre, je propose Station Barry UQAM. C'est un gag montréalais. Dans le segment Geek CDX, Facebook a manipulé les émotions de ses utilisateurs pour une recherche. Ça explique la seule émotion que j'ai quand je vais sur Facebook, c'est que je m'en sac complètement. Et dans Merci Science, le chien qui identifie les maladies rares grâce à vos photos de famille. Au Mathieu Plante Show, tout de suite. Et voici celui qui va parler de vieilles nouvelles pendant genre un mois cet été. Monsieur Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. La référence du gag que je viens de faire, c'est que je m'en vais en vacances pendant un mois, donc c'est la dernière émission avant mes superbes vacances, mes premières vacances en carrière. Je vais prendre un mois, le mois de juillet au complet de vacances. Il y a des émissions spéciales qui s'en viennent les prochaines semaines, je vous en parlerai plus tard. Hein? Avant ça, on va se faire une petite émission, hein, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, l'émission, le segment Geek Scenix, le survol du net dans WoW at Web. C'est un fait Tech Edition et la chronique de science et de technologie Merci Science. Dans quelques minutes, on va débuter comme toujours avec Television, Television, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. On commence avec un hommage à la Britannique Vivienne Westwood. Voici Paula Power tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. Ça fait peur. J'aime ça. I just wanna be real. hommage à la reine du punk britannique Vivienne Westwood par Paula Power. Au Mathieu Plante, chose qui nous amène à parler de télévision. Voici Television, Television. C'est Television, Television. Vous allez voir pourquoi ça vaut vraiment la peine d'avoir choisi de prendre ses vacances au mois de juillet. Parce qu'il se passe absolument rien en télé en ce moment. Tout est déjà sorti. Il se passe rien en grand chose, je vais vous dire. Donc, commençons avec quelques nouvelles télévisuelles. Commençons au Québec avec Jean-François Barry, qui va animer l'émission matinale de V dès septembre. Jean-François Barry succédera à Richard Turcotte à la barre du talk show matinal de V. Ça commence bien. La chaîne a confirmé la nouvelle par communiqué. Barry, qui anime aussi, vous le savez, la guerre des clans à la même chaîne, entrera en poste à Ça commence bien le 1er septembre 2014. Pour l'instant, c'est Patrick Langlois qui s'occupait de la section web de l'émission qui remplace. Lui qui sait déjà qu'il ne reviendra pas à l'automne dans l'équipe. C'est ce que je trouve bizarre. Tant mieux pour lui d'avoir choisi de dire oui à ça, de prendre la relève de l'animation sur une base temporaire, sachant qu'il est juste sacré dehors en septembre. Il ne fera plus rien à l'émission. Il y a aussi Marie-Pierre Morin qui a été remerciée. On veut se servir d'elle pour d'autres émissions. Richard Turcotte n'est pas parti de son plein gré non plus, ce qu'on a appris au courant des derniers mois, sûrement qu'il devait coûter trop cher. Moi, je pense que V, en tout cas, c'est ma théorie bien personnelle, mais je pense que V s'est dit, on va prendre des vedettes, des gens qui coûtent cher pour commencer avec l'émission, puis quand ça va devenir assez gros, l'émission va pouvoir se permettre de les renvoyer et de prendre des gens qui coûtent un petit peu moins cher. Je sais pas, c'est ma théorie. La direction stratégie, contenu et programmation de V, Nathalie Brigitte Busteau, se parle d'une nouvelle formule entièrement renouvelée pour l'automne et précise que Jean-François Barry est très impliqué dans le développement de son contenu. On a aussi entendu dire que l'émission va déménager dans les studios de Musique Plus. Et que ça va être une autre compagnie qui va la produire. Donc, tout change, sauf apparemment pour l'instant le titre, parce qu'on parle encore de Ça commence bien. Ça me surprendrait pas si on choisissait de changer de nom. Non. Donc, ça commence bien. Tu l'as dit au vendredi à 7h sur les ondes de V. La suite de Community est très compromise. La plateforme de streaming Hulu vient de mettre un terme aux négociations pour la reprise de la série Community, selon TV Line. Les portes de l'université de Greendale pourraient bien se refermer très très vite. Annulée il y a quelques semaines après 5 saisons à l'audience faiblarde, Community faisait l'objet de discussions entre Hulu et Sony Pictures Television, producteur de la série. Alors que la plateforme apparaissait comme le seul repreneur viable et intéressé par la série, elle vient de se retirer de la table des négociations. Sony Pictures a désormais jusqu'au 30 juin, ça c'est aujourd'hui même, en direct le lundi, date de l'expiration du contrat de tous les acteurs pour sauver ses étudiants. Une source proche du dossier affirme néanmoins que des discussions avec un acteur du secteur seraient en cours, donc un autre joueur important pourrait signer aujourd'hui. Lancé en 2009 par Dan Harmon, Community se concentre sur une bande de losers qui retournent à l'université pour soit faire valider leur certificat d'avocat comme le personnage principal Jeff ou encore garder leur esprit actif comme le personnage de Chevy Chase Pierce. Porté par Joel McHale, Jenny Lynn Jacobs ou encore Danny Pooley, la série a rapidement été soutenue par une communauté de fans très active. Le mot-clic hashtag 6 seasons and a movie, hein, 6 saisons et un film, étant extrêmement repris sur les réseaux sociaux. Mais la fiction n'a jamais fait beaucoup d'audience, des bons chiffres quand même, mais pas assez élevés pour avoir une 6e saison. Dommage pour Community, série que j'ai commencé à écouter très récemment. J'ai écouté les 2 premières saisons de coup sec et c'est génial, je trippe bien comme faut sur Community, je vous la conseille. La journaliste vedette Diane Sawyer quitte World News sur ABC. C'est une nouvelle en bref, très très brève. Présentatrice vedette de World News sur ABC, elle quitte l'émission et sera remplacée le 2 septembre par David Muir, indique la chaîne américaine. La blonde journaliste de 68 ans ne quitte pas la chaîne, mais va y diriger des émissions spéciales, a précisé le président de ABC News, James Goldstein. Diane Sawyer, qui travaille depuis 25 ans à ABC News, animait World News depuis 2009. Breaking Bad est la plus regardée en binge-watching. Regarder la télé et particulièrement des séries pendant plusieurs heures est une pratique de plus en plus généralisée. On appelle ça du binge-watching, comme on ferait du binge-drinking en buvant beaucoup. Une étude publiée par TiVo, leader de l'enregistrement numérique aux États-Unis, révèle en effet que 91% des 15 000 sondés auraient déjà pratiqué le binge-watching, donc regarder au moins 3 épisodes d'une même série le même jour. Moi, je trouve que 3, c'est juste une soirée normale, mais bon. Breaking Bad remporte la palme de la série la plus regardée en grande quantité. La fiction DMC a été consommée ainsi par 35% des personnes interrogées. Une nouvelle peu surprenante au vu du succès jamais démenti en 5 saisons de la série portée par Bryan Cranston. L'œuvre de Netflix House of Cards se place en 2e position en ayant convaincu 29% du panel de s'avaler plusieurs épisodes à la suite dans la même journée. Une pratique favorisée par la plateforme qui a la particularité de proposer en même temps l'ensemble d'une saison. Ça, c'est le fun. La très populaire Trône de Fer, série la plus regardée de HBO, complète le top 3 avec 25% des personnes interrogées. On parle maintenant d'une fille que vous reconnaissez peut-être du film Splash, Daryl Hannah. Hein, la sirène de Splash intègre le casting de Sense8, la prochaine série de Netflix signée par les Wachowski, duo à l'origine de La Matrice. Alors que Netflix prépare son arrivée donc en France, comme oui, tout à fait. J'aurais pas lu cette phrase d'habitude. La plateforme dévoile chaque jour ses nouveaux projets. Dernière en date, Sense8, une nouvelle série de science-fiction dont le casting vient d'être révélé. Pas moins de 14 acteurs internationaux ont été recrutés selon The Hollywood Reporter. Outre Daryl Hannah, on retrouvera Naveed Andrews qui jouait dans Lost, Brian J. Smith de Stargate Universe et Freema Agyeman qui joue dans Doctor Who en tête d'affiche. Écrite par Lana et Andy Wachowski, les réalisateurs de La Matrice avec J. Michael Straczynski de Babylon 5, la série s'intéressera à 8 inconnus dispersés à travers le monde qui, après un décès tragique, se retrouvent liés mentalement et émotionnellement. Ils tenteront alors de comprendre ce qui leur arrive tout en essayant d'échapper à une organisation voulant les éliminer. Chaque épisode suivra un personnage, donc on va vraiment suivre juste une personne à la fois. Concept qu'on n'a pas vu énormément, donc j'apprécie quand même l'originalité un peu de ça. Tourné aux quatre coins du monde, de San Francisco à Berlin, en passant par l'Islande et Mexico, les 10 épisodes de la saison 1 de Sense8 devraient être diffusés en début d'automne. Donc non, pardon, en début d'année prochaine, voilà. Donc Sense8, S-E-N-S-E et le chiffre 8. Voilà pour le mince contenu de nouvelles qu'on a dans Télévision. Allons-y avec les codes d'écoute. Commençons par le Canada avec les positions 15 à 6. Non, je m'excuse. Sans cesse mes erreurs, on commence au Québec. 15 à 6, Chicago Fire, Vlog, le TVA Nouvelle 17h, Vengeance, la prostitution testée sur des humains, les meilleurs moments, LOL, Dans l'œil du dragon, ciné-comédie et film de filles. En cinquième place, Héros de fortune chez vous. Pas une émission. En quatrième, Sucre et salé. En troisième, Deck possible. C'est à TVA, mais je dois dire que c'est un excellent jeu de mots. Deck possible, je trouve ça fabuleux. Deuxième, TVA Nouvelle 18h et première place, c'est la pause d'or à TVA. Au Canada, position 15 à 6. Deck possible, sérieux. Tu peux pas faire mieux. Donc, The Big Bang Theory, CTV National News, Hell's Kitchen, NCIS, The Night Shift, So You Think You Can Dance, 24, CTV Evening News, FIFA, NHL Playoffs, position numéro 5, Rookie Blue, 4e, America's Got Talent, 3e, The Big Bang Theory, 2e, MasterChef, et en première, c'est Stanley Cup Finals, le hockey. Il n'y a pas de deck possible dans le top canadien, donc c'est le Québec qui gagne, désolé. Dans les talk shows américains maintenant, commençons par le Late Show avec David Letterman sur CBS. Ce soir, un de mes humoristes préférés, sinon en ce moment, mon préféré, Louis C.K. est là. C'est une rediffusion. Mardi soir, 1er juillet, Paul Rudd. Mm-hmm. Mercredi, l'humoriste Sarah Silverman. Jeudi, Jim Parsons de Big Bang Theory, ainsi que Julie Chen de l'émission Big Brother. Vendredi, Martin Short, ainsi que John Oliver, d'un de mes talk shows préférés en ce moment, Last Week Tonight avec John Oliver. Au Tonight Show de Jimmy Fallon sur ABC, lundi soir, ce soir, Ricky Gervais, qui incarnait le personnage principal de The Office, la version britannique. Mardi, Hugh Jackman. Mercredi, Tom Cruise, OK. Je m'en fous. Jeudi, l'humoriste Amy Schumer. Et vendredi, Joshua Topolsky de TheVerge.com. Mon site de technologie préféré. Coudon, il y a donc bien du monde que j'aime cette semaine. Jimmy Kimmel Live sur ABC ce soir. Lundi, Melissa McCarthy de la sitcom Mike and Molly. Jeudi, Jessica Alba. au Late Late Show de Craig Ferguson sur CBS ce soir. Lundi, encore une fois, Ricky Gervais. Donc, il va être à deux talk shows dans la même soirée. Mardi, Kristen Bell. Yay! Mercredi, Scarlett Johansson. Jeudi, John Hamm, Jean le Jambon, de Mad Men. Et vendredi, Betty White. À Late Night with Seth Meyers sur NBC ce soir, Daniel Radcliffe, de Harry Potter. Mardi, encore une fois, John Oliver, de Last Week Tonight. Mercredi, l'humoriste Wanda Sykes. Jeudi, Mike Myers. C'est à peu près ça pour ce qui retient mon attention. J'ai vu Whitney Cummings aussi, une autre humoriste. Beaucoup d'humour cette semaine dans les talk shows. Allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Voilà pour Télévision. Dans quelques instants, ce sera Merci Science, la chronique à la croisée des chemins entre la science et la technologie. Mais avant ça, une autre chanson de Chiptune. On s'en va entendre Imaginary. Voici Under the Bleachers tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Under the Bleachers par Imaginary. Allez télécharger le MP3 sur assemblagerequis.com comme tout le reste en fait, toutes les autres chansons. Je voulais commencer avec cette phrase-là, puis j'ai changé d'idée. Maintenant, parlons de science. Voici Merci Science. Changer d'idée en cours de route, ça l'apprendra. Alors, on commence avec un secret biochimique qui a été découvert par rapport à la régénération chez la salamandre. Les chercheurs s'acharnent à percer les secrets de la régénération des membres chez la salamandre, oui, dont les capacités en la matière sont exceptionnelles pour un vertébré. Dernier rebondissement en date, un mécanisme biochimique qui permet aux cellules des muscles de reprendre leur division. Régénérer un membre, c'est pas possible chez les mammifères comme chez la plupart des vertébrés, mais chez la salamandre, seul l'est. Cet amphibien le fait même très bien, capable qu'il est de fabriquer aussi la queue, un œil ou le museau. Depuis très longtemps, les scientifiques tentent de comprendre ce secret de la salamandre ou celui du poisson zèbre parce que la réponse est scientifiquement intéressante, mais aussi bien sûr parce qu'on peut espérer en tirer parti pour imaginer un jour des traitements médicaux pour des membres lésés. Il y a à peine plus d'un an, une équipe australienne montrait le rôle des macrophages, des cellules du système immunitaire. Mais la salamandre a visiblement plus d'un tour dans son sac et un pas de plus vient d'être franchi dans cette quête de son secret. Dans Stem Cell Reports, des chercheurs de l'université de la University College London décrivent un mécanisme biochimique particulier qui concerne les muscles et met en jeu une voie de signalisation appelée ERK. ERK. Chez les vertébrés, les cellules musculaires se forment par la fusion de cellules en myotubes qui comptent plusieurs noyaux. La cellule différenciée est alors bloquée dans son cycle et ne peut plus se diviser. Pourtant, les myotubes de la salamandre peuvent, eux, redémarrer un cycle cellulaire. Comment est-ce possible? La voie ERK, donc Extracellular Signal Regulated Kinase, représente une famille de protéines kinases dites MAPK, donc Mitogen Activated Protein Kinases, qui joue un rôle important dans la progression du cycle cellulaire. Ça a l'air bien compliqué tout ça, hein? Mais grâce à cette voie ERK, des protéines de la surface de la cellule peuvent transmettre un signal au noyau. Or, chez les mammifères, l'activation de la voie ERK stimule la prolifération cellulaire, d'où l'idée qu'elle puisse intervenir dans la régénération de la salamandre. En travaillant sur des myotubes de souris, les chercheurs ont montré qu'ils pouvaient activer de manière transitoire la voie ERK, mais pas à long terme comme chez la salamandre. Voilà qui expliquerait pourquoi les mammifères ne peuvent pas reconstruire des membres. En induisant de manière soutenue cette voie ERK chez un mammifère, pourrait-on favoriser la régénération des tissus? Le reste des détails qui sont encore plus exhaustifs que ce que j'ai dit là sur assemblagerequis.com via Future Science. Maladie... Pardon. Tellement chaud que j'ai glissé de sa table. Maladie inflammatoire, auto-immune, la pelade universelle est mal comprise, peu soignée et très handicapante socialement. Les dermatologues de l'université de Yale viennent de rendre à un jeune homme de 25 ans tous ses poils. Un traitement qui, pour la première fois, cible efficacement cette maladie rare et très visible. L'histoire de ce jeune homme de 25 ans commence par une énième consultation chez le dermatologue. Depuis 5 ans, des plaques de psoriasis, oui, le couvrent de la tête aux pieds, et ce malgré de nombreux traitements qui n'ont pas non plus eu d'effet sur sa pelade universelle. Totalement glabre, donc sans poils depuis l'âge de 18 ans, ce patient n'a jamais consulté pour cette maladie auto-immune caractérisée par l'absence de poils, de cheveux et de cils. Mais cette dernière consultation sera différente. Brent A. King, médecin de la faculté de médecine de l'Université de Yale, remarque que sur les plaques crâniennes rouges et squameuses de psoriasis, le bonheur quoi, des cheveux poussent. Le dermatologue augure que les deux maladies sont liées. L'art de la biblio prend alors tout son sens. Il identifie une molécule prometteuse, le citrate de tofacitinib, déjà approuvé en 2012 pour le traitement d'une autre maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. Ce médicament a été utilisé pour soigner le psoriasis chez l'homme. D'autres études chez la souris, cette fois, indiquent que cette molécule a restauré en partie leur perte de poils, du moins dans une forme d'alopécie moins sévère que celle dont souffre le jeune patient. Les dermatologues ont tenté de ce traitement sur le patient qui, bien entendu, a donné son accord. Au bout de 8 mois de traitement, la repousse des cheveux du jeune homme est spectaculaire. En plus de cette nouvelle chevelure blonde, il arbore cils, sourcils, poils sous les aisselles et même sur le visage. Le traitement expérimental publié dans Journal of Investigative Dermatology a évolué au cours de cet essai. Au bout de 2 mois, à raison de 5 mg de tofacitinib, 2 fois par jour, une amélioration de psoriasis et de la pelade était observée. La dose quotidienne a augmenté à 15 mg et après 3 mois de traitement, les cheveux ont repoussé, les cils et sourcils sont apparus pour arriver à ce résultat inattendu en 8 mois. Si le gain obtenu sur l'alopécie universelle dépasse les espérances, le bénéfice est moindre pour le psoriasis. Conquis par sa nouvelle coupe de cheveux, le patient a refusé de poursuivre les augmentations de dose de tofacitinib qui aurait pu aboutir à une amélioration de ses plaques rouges. Tellement fier de ses poils, le rouge, c'est correct. Il n'a pourtant ressenti aucun effet secondaire. C'est ça, c'est ce que je comprends pas. Et les scientifiques n'ont décelé aucune anomalie en laboratoire. Donc, tout allait super bien. Il a refusé de continuer. J'imagine que c'est raison personnelle. C'est ça. Reste tout de même à entreprendre des essais cliniques pour évaluer la sécurité et l'efficacité du tofacitinib dans ce tout premier traitement de la pelade universelle. C'est vraiment cool. J'étais même pas au courant que ça existait, ces maladies-là. C'est fascinant. Un logiciel pourrait permettre d'identifier les maladies rares grâce à vos photos de famille. Votre médecin vous demandera peut-être bientôt de lui envoyer par courriel une photo de famille grâce à elle et surtout à un tout nouveau logiciel mis au point par des chercheurs britanniques. Il sera capable de détecter chez votre enfant une maladie rare sous-jacente. On entend de plus en plus parler d'enfants dont la maladie a été découverte à partir d'une photo Facebook. En avril dernier, par exemple, une petite fille de 3 ans avait échappé de peu au pire grâce à la vigilance d'une infirmière amie de ses parents. La petite Riley avait alors pu être diagnostiquée à temps, atteinte de la maladie de Coats, une déficience de la rétine très rare induisant une cécité totale. La maladie de manteau. Toutefois, la plupart des personnes souffrant de maladies rares n'ont pas la chance de Riley. C'est dans 30% à 40% des cas, ces anomalies sont intimement liées à la forme du visage et du crâne. Ils ne sont pas pour autant plus facilement détectables. Alors que la trisomie 21 chez l'enfant est par exemple aisément identifiée, d'autres pathologies sont beaucoup plus difficiles à déceler, ce qui peut retarder ou égarer le diagnostic. Mais le logiciel mis au point par Christopher Nellacker et Andrew Zisserman ainsi que leurs collègues de l'Université d'Oxford pourrait bien changer la donne en permettant d'établir un premier diagnostic à l'aide d'une simple photo. Basé sur un système très avancé de reconnaissance faciale et d'algorithmes d'apprentissage, le logiciel permet d'analyser 36 caractéristiques bien précises du visage au niveau de l'arcade sourcilière, des paupières et des angles des yeux, du relief du nez et des narines, des lèvres et enfin au niveau de la mâchoire inférieure, du centre et du sommet du menton. Pour tester l'efficacité du logiciel, sa base de données a été alimentée par plus de 1363 photographies. Plus de 1363. Donc quoi, 1364? Sinon t'arrondis genre à 1400. En tout cas, correspondant à 8 syndromes, donc plus de 7 génétiques malformatifs, parmi lesquels la trisomie 21, donc moins de 30, et le syndrome du X fragile, chacune de ces maladies rares était alors représentée sur 100 à 283 images. Après analyse, le système intelligent a été capable de recueillir les informations de 90 maladies génétiques, presque 100, et d'établir une liste de diagnostics probables pour chaque photographie. Et dans pas moins de 93% des cas, ces prédictions étaient exactes. Incroyable. Même la photographie d'Abraham Lincoln, c'est ce qui est le plus intéressant, même la photographie de Abraham Lincoln n'a pu dissimuler son secret. Le logiciel a réussi à diagnostiquer le syndrome de Marfan au 16e président des États-Unis qui souffrait réellement de cette maladie très très rare. C'est vraiment impressionnant. Ce logiciel constituerait donc un véritable espoir pour diagnostiquer les maladies rares. Je pense que je suis resté stické sur le plus de 1300. Je trouve ça tellement drôle. En Corée du Sud, finalement, une équipe de chercheurs a conçu un nanogénérateur flexible pour alimenter un simulateur cardiaque grâce au mouvement des muscles sur lesquels il serait fixé. À terme, un tel dispositif pourrait augmenter l'autonomie de ces appareils et donc espacer les interventions chirurgicales nécessaires pour remplacer les batteries. Désormais très répandu et implanté dans des millions de patients souffrant d'arythmie, les stimulateurs cardiaques ou pacemakers ont un inconvénient qui n'a pas encore été surmonté. Un petit inconvénient quand même, c'est la batterie qui les alimente, donc offre au mieux 7 ans d'autonomie. Il faut ensuite en repasser par un acte chirurgical. Des interventions qui sont quand même bien maîtrisées, mais qui sont de plus en plus éprouvantes et risquées à mesure que l'âge des patients avance. Les scientifiques planchent depuis longtemps sur des solutions pour augmenter la durée de vie des batteries de ces pacemakers, voire pour les alimenter par un minuscule générateur interne. Justement, une équipe réunissant des chercheurs de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies, le KAIST, et de l'hôpital Severance de l'Université de Yonsei, vient de réaliser une avance prometteuse. Une avancée prometteuse. Ils ont mis au point un simulateur cardiaque artificiel alimenté de façon semi-permanente par les mouvements des muscles. Leurs travaux ont été présentés dans un article scientifique publié par la revue Advanced Materials. Le système d'alimentation repose sur un nanogénérateur piézoélectrique flexible réalisé à partir d'un film semi-conducteur. On rappelle qu'un matériau piézoélectrique produit de l'électricité lorsqu'il subit une contrainte mécanique et inversement. En 2012, une équipe de l'Université du Michigan avait montré un prototype de pacemaker capable de s'alimenter avec les battements du cœur. En 2010, déjà, des chercheurs de l'Université de Princeton avaient montré un système semblable pour alimenter un pacemaker. Le matériau piézoélectrique était le PZT, ou le titano-zirconate de plomb, adhérent sur une base souple en silicone. Le modèle de KAIST utilise un matériau similaire, un monocristal de PMNPT, donc plomb, magnésium, niobaste de lithium, titanate de plomb. Fiu! fabriqué par Ibule Photonics. Le pacemaker auto-alimenté a été testé sur un rat vivant dans le... Dont le OK, pardon, on va recommencer ça. A été testé sur un rat vivant dont le cœur était stimulé par l'électricité produite grâce à ses mouvements. Le dispositif a pu produire jusqu'à 8,2 volts et 0,22 milliampères à partir des mouvements de flexion du nanogénérateur. Implanté dans le corps d'une personne sur des muscles, ce système pourrait non pas alimenter totalement, mais au moins allonger la durée de vie d'un pacemaker cardiaque. Cela permettrait de réduire le nombre d'interventions chirurgicales au cours de la vie du patient. Le nanogénérateur piézoélectrique flexible pourrait également être utilisé comme une source électrique pour divers dispositifs médicaux implantables. Reste que ce nanogénérateur n'a pas encore été testé sur l'homme. Un travail de développement supplémentaire qui sera sans doute nécessaire avant de pouvoir passer à des essais cliniques. Mais ses premiers résultats sont tout à fait encourageants. Voilà pour Merci Science. CNX, le fil sur les nouvelles geeks du moment, en plus des jeux les plus loués et des sorties de la semaine. Mais avance, on retourne en musique chiptune pour aller entendre. On est rendu à Motion Ride. Ça, c'est le nom de l'artiste. On s'en va entendre un chiptune Drones. C'est une chanson à l'origine par un groupe que vous connaissez peut-être. Je vous dirai de qui on parle plus tard. Du TMPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou. Dans la zone 89.1. C'est fou. Rocky Rogers et Otaku Beans. C'est un remix d'une chanson de jeu vidéo Puyo Puyo. Donc c'était Sticker of Puyo Puyo remix par Sparky Rogers. Avant ça, tantôt je vous avais dit que c'était un cover qu'on a entendu avant la pause. C'était Drones, un cover à l'origine par Rise Against. Donc pour ceux qui avaient reconnu Rise Against, félicitations à vous. Maintenant parlons. Jason, de technologie, voici Cynix. C'est le but à Geek Cynix où on parle des nouvelles technologiques de la semaine. En fait, des derniers moments. Il s'est pas passé énormément de choses très importantes. Commençons avec des avancées technologiques comme une nouvelle montre intelligente. Il y en a des milliers, en tout cas des dizaines en ce moment, des montres intelligentes. C'est de plus en plus répandu. Certains journalistes que j'entends disent qu'on essaie de nous forcer à vouloir cette catégorie-là de produits alors que dans le fond, c'est aucunement utile. Je suis vraiment pas de cet avis-là. Je trouve ça parfaitement utile d'avoir une montre intelligente. Mais bon, ça dépend des gens, c'est super subjectif. On disait que les iPads étaient inutiles. J'ai dit que les iPads étaient inutiles au début. Et finalement, il y a plein de gens qui en ont besoin, apparemment. Donc, chacun ses catégories de produits. Arrêtez donc de juger les autres. Je suis tanné d'entendre les gens « Android, c'est pas bon ». Je l'ai fait moi-même. Je sais que je l'ai fait moi-même dire qu'il y a des affaires contre Android parce que je trouve que c'est dégueulasse et c'est laid. Mais Colin, on peut se respecter pareil, hein? Puis j'aimerais ça qu'on arrête de dire que les iPhones puis les iPads, c'est super dispendieux. Hey! Je dépense un petit peu plus cher, mais j'ai un produit de qualité qui va me durer des années, à la place d'avoir un produit qui va me tomber dans les mains, puis qui va marcher mal tout le long, mais qui est un petit peu moins cher. Chacun son avis là-dessus. Pourquoi est-ce que je suis parti là-dessus? Parce que j'ai envie de chialer. Je suis un gros chialeux. Commençons donc. Montre intelligente, Activité, c'est son nom. Activity, j'imagine en anglais. De la société française Withings. Spécialisés dans les objets connectés à Internet, ils vont lancer enfin une montre intelligente à aiguille nommée Activité. En plus de donner l'heure, cette montre enregistre le nombre de pas effectués dans la journée, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue ou encore analyse les cycles du sommeil selon un communiqué de la start-up. Fabriquée en Suisse, Activité est aussi dotée d'un petit cadran à aiguille qui envoie via Bluetooth des informations biométriques vers un téléphone multifonction. C'est le nouveau nom qu'on donne apparemment au téléphone intelligent. Je suis bien content de voir un nouveau nom que téléphone intelligent parce que tous les téléphones sont rendus intelligents. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on les différencie d'une autre façon. Les autres montres intelligentes des compagnies comme LG, Sony, Samsung sont souvent équipées d'un écran numérique et celle-ci est équipée d'aiguilles. C'est ce qui la différencie. Cette montre qui se veut haut de gamme par rapport au prix pratiqué pour les autres modèles similaires. Par exemple, ici, on va demander 570$ pour le luxe d'avoir cette montre-là. T'sais. Là, vous pouvez juger les gens qui s'achètent une montre à 600$. Je vais sûrement le faire moi-même. Je trouve que 150-200$ max pour une montre d'envie. Donc, ça va être commercialisé à partir de l'automne. Withings, dont le produit phare est un pèse-personne, une balance qui se connecte à Internet et permet de gérer son poids via son téléphone multifonction, a été fondée en 2009. Présentation au Japon de deux robots androïdes plus vrais que nature, nous dit l'agence France Presse. Elle s'appelle Kodomoroid, un mix du mot japonais Kodomo qui veut dire enfant et androïde. Devant des journalistes médusés, elle a lu des infos, des nouvelles, comme une vraie présentatrice télé lors d'une étonnante session au Musée national des sciences et des technologies de Tokyo. Après avoir donné les dernières nouvelles sur un séisme et un raid du FBI, Kodomoroid s'est même... c'est dur de ne pas dire hémorroïde. C'est même mis à charrier son papa, qui est le spécialiste de la robotique Hiroshi Ishiguro. Je cite, « Tu commences toi-même à ressembler à un robot! » Kodomoroid a partagé la vedette avec un autre robot femelle. Je sais pas pourquoi on doit dire femelle, c'est pourtant pas des animaux. Mais bon. Baptisé, lui, Otonaroid, un composé de Otona qui veut dire adulte et androïde, qui de façon étonnamment humaine a eu l'air d'avoir le trac au moment de se présenter. Je suis un petit peu nerveuse à téléconcéder. Les deux androïdes ont une mission bien précise. Kodomoroid et Otonaroid vont toutes deux travailler au musée au contact des visiteurs pour recueillir de précieuses informations sur les réactions des humains face à la machine, données qui seront ensuite analysées par le professeur Ishiguro. Je cite le professeur, « Nous aurons de plus en plus de robots dans notre vie future. Vous pouvez, tout en vantant le côté pratique de ces enfants, et je cite encore, vous pouvez les amener en avion, le torse en soute à bagages, la tête en cabine. » Monsieur Ishiguro ajoute qu'il a créé son propre double version Android. Ça, c'est un petit peu épeurant, je trouve. Il envoie donner des conférences à l'étranger, ce qui lui évite trop de voyages. Ça va être quoi la prochaine étape, Monsieur Ishiguro? Un robot de vous-même que vous allez pouvoir vous insérer sexuellement? Je sais pas. Il me semble que c'est bizarre un peu, je trouve, de créer un robot à ta propre image. Mais bon, c'est peut-être moi qui va trop loin dans mes façons de penser, là. Et c'était complètement déplacé comme commentaire. Je retire mes paroles à l'instant. Cruise Automation, une jeune pousse californienne, tente le pari de proposer le premier kit pour doter un véhicule classique de fonctions de conduite assistée. Un ensemble de capteurs et de caméras pilotés par un ordinateur embarqué permettent au chauffeur de laisser la main à la voiture lorsqu'elle circule sur une autoroute. Les premiers ensembles à plus de 7 000 € pièce seront livrés à partir de 2015. Si la voiture autonome est désormais une réalité du point de vue technique, son horizon commercial est encore flou. On ignore quel pourrait être le prix de ce type de véhicule, si ce n'est qu'il sera, dans un premier temps, très probablement élevé, comme c'est le cas de toute technologie émergente. Avant ça, il existera peut-être des solutions intermédiaires moins onéreuses et surtout compatibles avec les voitures existantes. Un peu comme on fait avec les montres intelligentes. Il y a une compagnie qu'on en a parlé récemment à l'émission, où on pouvait insérer juste un petit bidule après une montre normale et avoir dorénavant une montre semi-intelligente. On ferait la même chose avec une voiture. C'est l'idée que soutient donc Cruise Automation, une start-up basée en Californie qui vient de dévoiler un kit pour doter une voiture de série de fonctions autonomes. Le système nommé Cruise RP1 est présenté comme une solution à mi-chemin entre la voiture autonome, comme celle de Google ou de Volvo, et le régulateur de vitesse, qui équipe aujourd'hui un grand nombre de véhicules de série. Si sur certaines autoroutes, oui, préalablement mémorisées, le chauffeur peut activer ce pilote automatique qui prend la main en s'aidant du marquage au sol comme guide. C'est réguler la vitesse et actionner le freinage en surveillant les véhicules aux alentours pour éviter les collisions. Si le conducteur peut se permettre d'ôter ses mains du volant, il devrait tout de même rester concentré sur la route pour pouvoir reprendre le contrôle à tout moment. Pour une bonne part, Cruise repose sur les systèmes de sécurité qui existent déjà sur certains véhicules de série, comme les radars anti-collision et la détection de franchissement de ligne. Le kit se présente sous la forme d'un module à installer sur le toit de la voiture dans lequel se trouvent deux caméras, une centrale inertielle, un radar anti-collision 67 GHz, un GPS et un module 4G LTE. Des contrôleurs sont installés sur la direction, l'accélérateur et les freins. L'ensemble est commandé par un ordinateur et c'est dans le coffre. Pour fonctionner, le système a besoin de connaître la route sur laquelle il circule. Son usage est pour le moment limité à certaines autoroutes de l'État de la Californie, dont la législation autorisera la circulation des véhicules autonomes à partir de l'automne. Cruise Automation compte étendre le rayon d'action en constituant une base de données des routes à partir des informations collectées par les voitures équipées. Seulement 50 ensembles Cruise sont proposés en précommande au tarif de 10 000 $. Ils seront livrables à partir de l'année prochaine. C'est vraiment super cool. L'article vient de Futura Science. Génial comme concept, mais en même temps, ce qui est dommage, c'est que bon, les gens vont devoir garder la main, comme on disait, près du volant pour pouvoir reprendre le contrôle assez rapidement. Mais est-ce que les gens vont vraiment faire ça? D'après moi, je vois vraiment dans les débuts de la technologie des gens qui vont juste aller se coucher sur le siège arrière et ça va causer des accidents irréparables. Donc, je sais pas. Je suis un petit peu ambivalent. Pas convaincu de tout ça. Mais bon. Parlons de Google. On a tendance à parler un petit peu plus d'Apple parce que je vais vous l'avouer, je pense que c'est, je m'en suis jamais caché, je suis fanatique fini d'Apple et de la plupart des produits qu'ils font. Je trouve que leur philosophie de fabrication de produits et d'attention aux détails est vraiment fascinant. Alors que du côté de Google, c'est plus tournons les coins ronds et vendons les choses pas chères avec beaucoup moins de qualité. Mais bon, encore une fois, un débat qui ne se terminera jamais et on va arrêter de spinner les uns les autres, hein, s'il vous plaît, alors que je viens juste de le faire. Donc, l'agence France Presse nous met un petit peu au courant de la grosse foire Google I.O., la grosse conférence pour les développeurs qui a eu lieu la semaine passée. Je l'ai regardé à la couverture de ça, mais en tout cas, une bonne grosse majorité de... Hey, ça durait 3 heures! Comment est-ce que... Non, 3 heures! T'sais? Et il y avait une partie pour le grand public et une partie pour les développeurs. Apple a eu, tu sais, je dirais, le bon sens de tout faire ce qu'il y avait pour les développeurs à la toute fin. Donc, une fois que le grand public avait eu son iOS 8, OS 10, Yosemite, après ça, tu te lances sur les développeurs et puis les autres peuvent s'en aller. T'sais. Maintenant qu'on est seul, parlons des choses vraiment techniques. Google a décidé de juste saupoudrer des affaires compliquées et inintéressantes pour le grand public parmi les 3 heures. T'sais. Donc, le géant de l'Internet Google... Chialage encore. Le géant de l'Internet Google étant à la télévision, aux montres et aux voitures connectées, son système d'exploitation Android, qui équipe déjà 80% des téléphones intelligents, dont il a présenté un exemplaire bon marché pour les pays en voie de développement. Sundar Pichai, vice-président de Google, a dévoilé les ambitions du groupe de Mountain View en Californie lors de la très attendue conférence annuelle des développeurs à San Francisco, ce qu'on appelle le Google I.O. I/O. L'écosystème Android et son pendant dédié aux objets connectés Android Wear vont équiper les premières montres dont les utilisateurs auront accès à des applications proposées par Google. Les groupes sud-coréens LG et Samsung ont ainsi développé sous Android Wear les montres intelligentes G de chez LG et Gear Live chez Samsung qui sont disponibles présentement sur la boutique en ligne Google Play. La montre intelligente de Motorola, la Moto 360, qui sortira d'ici la fin de l'année, sera elle aussi équipée d'un système d'exploitation Android. Google a aussi développé dévoiler une version de son système d'exploitation destinée aux voitures connectées. On l'appelle Android Auto. L'objectif est de permettre aux constructeurs automobiles d'intégrer Android à leurs voitures afin de permettre aux conducteurs d'utiliser des services en ligne et son téléphone intelligent de manière sécurisée par des commandes vocales. Google a indiqué avoir déjà signé une entente avec des constructeurs, dont l'allemand Audi. Android Auto devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Google a aussi lancé mercredi dernier Android TV, censé faire oublier l'échec de la Google TV. Contrôlé à la voix ou via un appareil mobile ou une montre connectée, l'interface donne accès à tout le catalogue Google Play. Android TV sera également intégré à des téléviseurs Sony ou Sharp et à des boîtiers. Le groupe Internet qui a dans le viseur ses rivaux Amazon, Apple et Microsoft a aussi annoncé qu'il allait lancer à l'automne un téléphone multifonction à bas coût destiné avant tout aux pays émergents. Il y a tout plein de détails de plus sur assemblagerequis.com. Ça reste intéressant. J'aime le fait que Google fait des révolutions alors qu'Apple fait simplement stagner la plupart du temps. Donc, j'ai beau chialer contre Android et Google, mais je peux voir quand même leur bon côté. J'aimerais juste ça s'il y a un petit peu plus d'attention aux détails. Ils commencent un petit peu, tu sais. On va leur donner sur leur site, il y a une page quand même facile à trouver sur Internet en ce moment, sur les lignes directrices du look d'Android. Donc au moins, ils essaient de peut-être uniformiser ça et rendre ça un petit peu plus beau. Moi, je trouve pas ça beau. Personnellement, je trouve ça un petit peu... les gens qui trouvaient qu'iOS 7 était pastel, les couleurs du nouveau Android sont plus, je dirais, néon. Années 90, moi ça me plaît pas du tout, mais bon, au moins ils s'entendent sur une ligne directrice et ça c'est quand même admirable. Restons dans le domaine de Google qui a annoncé dans le cadre de la conférence Google I.O. 2014 une nouveauté ingénieuse qui mérite qu'on la détaille, nous dit Kubik.com et je suis parfaitement d'accord avec eux. La possibilité de caster, diffuser du contenu sans se connecter au même réseau qu'un Chromecast. Là, c'est des termes super techniques pour ceux qui ne connaissent pas, là. Mais la conception du Chromecast permet de nombreux usages collaboratifs. On peut regarder YouTube en envoyant sur la télévision. On peut regarder PhotoWall ou encore Deezer. Et ça permet aux utilisateurs de confectionner des listes de lecture et des diaporamas depuis leur téléphone respectif via une télé. C'est parce que les terminaux se contentent de désigner au Chromecast quel contenu il doit ouvrir sous forme de simple adresse web au lieu de les diffuser en streaming que plusieurs intervenants peuvent cohabiter. Mais pour ça, il fallait jusqu'à présent se connecter au même réseau et donc réclamer puis saisir une clé Wi-Fi. C'est une étape qui est quand même assez décourageante. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu veux diffuser quelque chose sur la télé, ça te prend un code à 20 caractères. Bon, ben tu fais comme, regarde-le sur mon téléphone, là, puis on fera ça une autre fois, j'ai pas le temps. Il suffit pourtant d'identifier le Chromecast puisque tout ou presque peut ensuite transiter par Internet. Certains services reposent ainsi sur un code affiché à l'écran, ce qui ne fait que décaler le problème de la configuration rébarbative. Désormais, l'identification pourra se faire par ultrasons. Le Chromecast émettra en permanence à travers des haut-parleurs du téléviseur auquel il est relié un son inaudible pour les gens. Peut-être que les chiens, eux, vont entendre, je sais pas, contenant son identifiant unique. Un smartphone à proximité entendra ce matricule et pourra dès lors télécommander l'appareil via Internet, y compris au travers d'une connexion cellulaire 4G ou 3G. Cette fonctionnalité sera disponible dans quelques semaines dans le cadre d'une mise à jour. Tous les autres appareils reposant sur la technologie Google Cast, à commencer par les terminaux Android TV, dont on a parlé il y a quelques instants, pourraient eux aussi bénéficier de cette fonction-là. Donc, il y a un son en permanence, ton appareil le détecte et soudainement, tu es connecté à ça sans avoir à te connecter au Wi-Fi. Je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Facebook travaillerait sur une déclinaison professionnelle de son réseau social. On en parlait en introduction de l'émission en disant que c'est déjà ce que tout le monde en fait. Ce qu'on en a parlé, je pense que je vais changer cette blague-là à la dernière minute parce que je la trouvais pas très originale. C'est exactement ça, je l'avais enlevé. Bref, on annule ce bout-là. Selon une source... J'aime quand je fais référence à des choses qui n'ont pas eu lieu. C'est le meilleur genre de callback. Selon une source anonyme employée de Facebook... qui s'est confié à TechCrunch. L'entreprise travaille actuellement sur une déclinaison professionnelle de son réseau social. Je cite, « Nous souhaitons rendre le travail plus amusant et efficace en construisant une version au travail de Facebook. Nous allons adopter l'ensemble du code sur toutes les plateformes, donc web, iOS, Android et etc. » Et etc. Ça, ma préférée, c'est etc. Intitulé « Facebook at Work », l'initiative serait présentement en chantier dans les bureaux de Facebook à Londres. Il n'est pas clair pour le moment si Facebook at Work est un projet qui... C'est trop dur à dire. Facebook at Work, c'est trop de... Enfin, il y en a juste un. C'est un projet qui vise à remplacer la plateforme de communication interne d'une entreprise, donc ce qu'on appelle l'intranet, ou s'il s'agit plutôt d'une déclinaison de l'actuel réseau centré sur l'aspect professionnel des membres, à l'instar de LinkedIn, ou comme on dit au Québec, LinkedIn. Interrogé par Facebook, un ex-employé de l'entreprise croit davantage à la première hypothèse, donc de remplacer l'intranet. Je cite, tout le monde chez Facebook utilise Facebook pour le travail. La plupart de leurs communications et planifications passent par la messagerie privée et groupée. Il serait plutôt naturel de transposer cette façon d'utiliser Facebook pour faire évoluer la façon de travailler dans les bureaux du reste du monde. C'est vraiment un moyen rapide et efficace d'accomplir des tâches. Parfaitement d'accord. Il y a plusieurs compagnies qui, dans le temps, utilisaient des logiciels comme Skype, MSN, IRC pour parler en groupe. T'sais, mettons, tu as beaucoup d'employés, tu pourrais dire, hey, t'sais, collègue dans un autre bureau, peux-tu m'apporter quelque chose? Peux-tu faire quelque chose pour moi? Est-ce que je peux? On se parle en gang et ça augmente la productivité. Donc, on ferait la même chose via un Facebook intranet avec peut-être même le logo de ta compagnie. Et un chat avec différentes options, peut-être même un tableau blanc pour faire des réunions à distance. Mettons, quelqu'un est à la maison, il pourrait participer à une réunion. Pour vrai, cette idée-là est plutôt plaisante. L'équipe utilise notamment la messagerie privée et groupée, les traditionnels courriels, la plateforme Pixel Cloud pour commenter des images, particulièrement des prototypes d'interface, un outil de gestion interne qui se compare à Asana et Quip, le service de traitement de texte mobile cofondé par l'ancien directeur en chef des opérations de Facebook, Brett Taylor. Lars Rasmussen, l'un des deux ingénieurs ayant travaillé sur la recherche dans le Graph Search, pour ceux qui ne connaissent pas, et en fait, la plupart des gens doivent ne pas connaître ça, à moins d'avoir lu les articles là-dessus il y a quelques années. Graph Search, c'est quand tu utilises Facebook en anglais. Tu peux maintenant taper une recherche vraiment naturelle comme, mettons, bon, people who are friends with telle personne ou like telle page. Donc, tu peux vraiment trouver quelqu'un de vraiment très, très précis. Tu peux trouver quelle page est aimée par quelqu'un qui est ami avec quelqu'un que tu connais. Tu sais, il y a plein d'options pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle Graph Search. Donc, l'un des deux ingénieurs qui a travaillé là-dessus est présentement à la tête de l'équipe londonienne d'ingénieurs de Facebook. Il est un transfuge de Google et l'un des créateurs du défunt projet Google Wave qui visait également à faire augmenter la productivité des employés au travail. Google Wave, c'est l'ancêtre de Google Plus et de Google Buzz et d'un paquet d'autres affaires comme ça où on pouvait travailler en groupe. Ça a fait un flop total, malheureusement. Restons dans le domaine de Facebook qui a manipulé les émotions de ses utilisateurs pour la recherche. Et ça, c'est la plus grosse nouvelle de la semaine. Ça a fait le tour et c'est vraiment intéressant et un petit peu dérangeant. Vous allez voir, c'est via l'agence France Presse que j'en parle. Facebook a manipulé en secret les émotions de 700 000 utilisateurs pour étudier la contagion émotionnelle dans le cadre d'une étude qui a provoqué la colère des internautes et soulevé des interrogations d'ordre éthique et avec raison, si je peux me permettre d'ajouter. Pendant une semaine du 11 au 18 janvier 2012, Facebook et des scientifiques des universités Cornell et de Californie à San Francisco ont utilisé le système d'algorithme du réseau pour modifier le contenu des informations reçues par un groupe d'utilisateurs anglophones afin d'étudier l'impact sur leurs émotions. La recherche a été publiée dans la revue scientifique américaine Compte rendu de l'Académie nationale des sciences, datée du 17 juin. Les auteurs cherchaient à savoir si le nombre de messages positifs ou négatifs lus par les utilisateurs influençait la teneur de ce qu'ils postaient eux-mêmes sur le site. Ils ont constaté que les utilisateurs ciblés commençaient à utiliser davantage de mots négatifs ou positifs selon l'ampleur des contenus auxquels ils avaient été exposés. Selon eux, ces résultats montrent la réalité d'une contagion émotionnelle de masse via les réseaux sociaux. D'autres recherches se sont déjà penchées sur ce phénomène, mais cette étude est unique au sens où ces auteurs ont manipulé, selon leurs propres mots, les données. Ils ont d'ailleurs pris soin de souligner que la recherche était compatible avec la politique d'utilisation des données à laquelle tous les utilisateurs doivent souscrire en créant un compte Facebook. C'est ce qu'on ne se rend pas compte parce qu'on lit jamais ces textes-là, mais ça dit dans les termes d'utilisateurs qu'on peut faire ça. T'sais, en même temps, c'est leur maison, Facebook, donc ils peuvent un petit peu faire ce qu'ils veulent. T'es comme un invité dans leur maison, qui disent. Leur étude... D'abord passé inaperçu dans les grands médias américains, suscite néanmoins une attention grandissante sur la toile après des articles publiés dans la revue en ligne Slate et sur les sites des magazines The Atlantic et Forbes. Certains internautes ont exprimé leurs troubles profonds ou qualifié la méthode utilisée d'alarmante ou de démoniaque. Tout à fait. Ils lui ont... Ils lui ont dit que les autorités de avaient approuvé ces travaux car Facebook apparemment manipule systématiquement le contenu des informations diffusées. D'accord. De son côté, Facebook, plus grand réseau social avec plus d'un million, un milliard, pardon, d'utilisateurs, a rejeté les accusations. Cette recherche, je cite, a été menée pendant seulement une semaine et aucune donnée utilisée n'était liée au compte d'une personne en particulier. C'est pas une raison. T'as quand même joué avec l'algorithme et donc t'as remplacé des nouvelles que les gens auraient pu voir, auraient voulu voir par des choses que les gens ne voulaient pas nécessairement voir. Donc, ils ont remplacé, ils ont enlevé, mettons, toutes les nouvelles positives pour laisser que les nouvelles négatives devant toi, pour voir ce que ça a donné. Et toi, ça te donne l'impression que Facebook est en ce moment très, très négatif. Et peut-être même qu'il y a des gens qui ont lâché Facebook pendant un bout de temps à cause de la négativité. Donc, je vois pas comment ça peut, en plus, aider Facebook. Oui, ils trouvent des données, ils peuvent faire une étude, avoir des chiffres, etc., etc. Mais si les gens quittent Facebook... à cause de ça, qu'est-ce que tu as gagné? De l'autre côté, si Facebook est 100% positif et que ça fait que tu veux venir plus souvent parce que wow, ça me met de bonne humeur, c'est positif, j'aime ça, ils vont pouvoir utiliser ça comme chiffre pour vendre plus de pubs. Tu sais, parce que wow, les gens venaient plus souvent sur Facebook. Donc, ils ont vu plus souvent tes pubs. Donc, tes pubs, tu peux les charger plus cher. T'sais. Donc, je trouve que c'est vraiment éthiquement complètement incorrect. Ça, c'est à mon avis, personnellement, à moi. Je cite, encore une fois, l'article ici. Je varie entre l'article et ma propre opinion pour vous montrer que je vais pas juste lire des fois. Nous faisons des recherches pour améliorer nos services et une grande partie consiste à comprendre comment les gens répondent à différents contenus positifs ou négatifs. Nous examinons soigneusement les recherches que nous faisons et avons un processus interne d'examen très strict. Fin de la citation. Je trouve quand même que c'est de la grosse bullshit. C'était au début de 2012, donc ça fait quand même longtemps que c'est passé. Mais je trouve que ce genre de manipulation de l'audience, c'est pas une bonne chose. Ça me fait penser à des... À de la publicité subliminale, des trucs comme ça. Je trouve que c'est croche et j'endosse pas ça du tout. Parlons de jeux vidéo un petit peu maintenant. Suite à un partenariat avec, entre Ubisoft et l'ESWC, Just Dance devient une discipline officielle, une discipline sportive dans les sports électroniques, ce qu'on appelle le e-sport. L'e-sport ne semble plus désormais réservé aux pros de la souris et autres maîtres de la manette. En effet, suite à un partenariat entre Ubisoft et l'ESWC, Il y a une définition de ce que c'est ESWC, je l'avais tantôt. En tout cas, on y reviendra. La définition du e-sport, je vais recommencer. Donc, c'est un partenariat entre Ubisoft et l'ESWC, je me suis perdu. La danse fait son entrée dans le monde du sport électronique avec Just Dance, plus de 100 millions de fans dans le monde. Je cite, nous sommes très fiers d'élargir encore pour cette 11e édition de l'ESWC la définition de e-sport. Le jeu vidéo compétitif doit s'adresser à tous les joueurs, se développer en partenariat avec les grands éditeurs mondiaux comme Ubisoft et accompagner les évolutions technologiques en matière de relations entre le corps et le jeu. Le projet Just Dance ESWC en est la meilleure illustration. Fin de la citation. Tout va commencer à l'hiver prochain avec l'organisation de la Coupe du Monde Just Dance, JustDanceWorldCup.com. Un événement dont la finale mondiale se déroulera lors du Paris Game Week cette année du 29 octobre au 2 novembre 2014 à Paris, porte de Versailles. Plus d'informations sur le site officiel de l'ESWC.com, l'ESWC qui est l'Electronic Sports World Cup, la Coupe du Monde des jeux vidéo. Allez voir ESWC.com. Trois Japonais arrêtés pour vente de patchs permettant de tricher à un jeu vidéo en ligne. Nexon a annoncé cette semaine que des accusations criminelles ont été déposées contre trois joueurs de Sudden Attack en lien avec l'exploitation d'une tricherie affectant le jeu en ligne. La lutte contre la tricherie en ligne est aujourd'hui un combat dans lequel chaque producteur de jeux vidéo doit s'engager tôt ou tard, mais au Japon, le phénomène semble avoir dégénéré au point où les forces de l'ordre s'en mêlent. Selon le quotidien japonais Yomiuri, deux des suspects, un jeune de 17 ans de l'école secondaire de Nara et un adolescent de 18 ans du collège de Fukushima, auraient développé 37 rustines, donc ça c'est des patchs différentes, permettant de tricher à Sudden Attack, un jeu de tir free-to-play. Ces derniers auraient par la suite vendu le fruit de leurs efforts via un site web dédié à la distribution de rustines du jeu en question. Les adolescents prétendent avoir empoché 8 millions de yens, 84 134 dollars canadiens, depuis 2011. Le déploiement de ces rustines a évidemment affecté la balance du jeu, provoquant un lot important de plaintes auprès de Nexon, le développeur de Sudden Attack. Je cite... Le devoir de Nexon est de fournir un environnement équilibré et amusant pour tous les joueurs. Ayant reçu un grand nombre de plaintes à l'égard de tricherie, nous avons contacté la police à ce sujet. Une fois l'enquête entamée, la police nous a recontactés pour obtenir de l'information supplémentaire et nous avons coopéré avec celle-ci. L'entreprise souligne qu'elle ignorait que les mineurs étaient impliqués avant que les forces de l'ordre n'ouvrent une enquête et que ce n'est pas elle qui a entamé le processus judiciaire. Je cite encore, la police a finalement pris la décision de déposer des accusations. Ils peuvent agir de leur propre initiative dans le cadre d'une entrave au bon fonctionnement d'une entreprise. Il n'était pas du ressort de Nexon de déposer ou non des accusations. Fin de la citation. Les trois suspects auraient fait connaissance à même le jeu Sudden Attack. Pour sa part, le troisième suspect aurait été responsable de promouvoir la vente des dites rustines. Voilà pour les nouvelles dans le bloc CNX. Regardons un petit peu ce qui se loue le plus en ce moment dans les clubs vidéo de la position 10 à 6 en rafale. Assassin's Creed 4 Black Flag sur Xbox 360, Watch Dogs sur Xbox One, Assassin's Creed 4 sur PS3, Minecraft sur PS3 et Watch Dogs sur PS4. En 5e place, Watch, vous allez voir que c'est tout pareil le top 10 au complet. En 5e, Watch Dogs sur PlayStation 3. En 4e, Watch Dogs sur Xbox 360. En 3e, Mario Kart 8 sur la Wii U. En 2e, EA Sports UFC sur Xbox One. Et en première place, EA Sports UFC du Ultimate Fighting Championship sur PS4. Donc c'est deux fois Assassin's Creed 4, 1, 2, 3, 4 fois Watch Dogs et deux fois EA Sports UFC dans un top 10. C'est quelque chose. Ce qui nous amène, comme on le fait à chaque fin de chronique, à passer aux nouveautés. Voici bientôt sur vos écrans. Non, pardon. C'est mon erreur complètement. C'est juste mal préparé, mon affaire. Je l'avais pourtant mis tantôt. Voici à bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2014. Commençons demain, la grosse journée. Bien sûr, mardi, c'est toujours la date où tout sort aux États-Unis et en Amérique du Nord. Sur PlayStation 4, Xbox One, PS3 et Xbox 360, c'est Sniper Elite 3. C'est coté 8,67 selon la communauté. Ça continue l'histoire du sniper Carl Fairburn pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sur PlayStation 3, Dynasty Warriors Gundam Reborn. Sur PS4, Guacamelee Super Turbo Championship Edition. C'est un jeu à la Metroid, un jeu d'action plateforme dans un monde mexicain magique. C'est coté 9 selon GameSpot et 8,33 selon la communauté. Infinity Runner sort sur PC. Child of Light sort sur PlayStation Vita. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est un téléchargement numérique, un jeu de rôle en side-scrolling, donc gauche-droite. Astrolords Earth Cloud sort sur PC. Dead Breeze sort aussi sur PC. Sur Xbox 360, la compilation Far Cry Compilation qui comprend trois jeux. Far Cry 2, Far Cry 3 et Far Cry 3 Blood Dragon. Pas le Far Cry premier du nom. C'est coté 10 selon la communauté. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de gens, donc ça fait une moyenne de 10 parce qu'il y a eu une personne qui a voté 10. The House sort sur PC. Ship Simulator Maritime Search and Rescue sort sur PC et aussi sur PC Magicians and Looters. Même chose pour Sunless Sea et Onigiri. Ça, c'est un jeu MMORPG pour le PC et PlayStation 4. Mercredi 2 juillet, Guacamelee, c'est trop dur à dire ça. Guacamelee Super Turbo Championship Edition sort aux États-Unis sur Xbox One, Xbox 360, Wii U et PlayStation 4. C'est coté encore une fois 9. Over 9000 Zombies sort sur PC aussi. Jeudi, The Red Solstice sort sur PC. Shattered Planet aussi sur PC. Et finalement, Call of Duty Ghost Invasion sort sur PlayStation 4, PlayStation 3 et PC. C'est un jeu qui a une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle action multijoueur et qui est généré par le moteur de nouvelle génération de Call of Duty. C'est coté 8 selon GameSpot. Vendredi, un seul jeu sort aux États-Unis en Amérique du Nord, c'est The Steel Soldiers. C'est coté 6,8 selon GameSpot. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Dimanche, Bust a Move 4 sort sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. C'est coté 7 selon GameSpot. Pixel Boy and the Ever Expanding Dungeon sort sur PC. Divinity Original Sin, finalement, pour terminer tout ça. Coté 8,29 selon la communauté de GameSpot. C'est un jeu de magie. Your job is to rid the world of those who use the foulest of magic. C'est votre... Vous devez, dans le fond, éliminer les gens qui utilisent la pire sorte de magie. Voilà pour les nouveautés pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2014. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien vers tout ça et les nouveautés qui sortent ailleurs dans le monde. Voilà pour le bloc Geek CNX. On retourne en chiptune pour aller entendre une chanson, un remake de la formation Churches. Très bon ça, on s'en va entendre. Donc, The Mother We Share par Kima64. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante show. Ça, c'est fou. Ce début de chanson me dit quelque chose. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Un petit peu plus stressant de chanson Chip Tune, c'était Théo Maki avec Warning, this song contains music. Attention, cette chanson contient de la musique. En effet, je suis bien d'accord, créé à partir de Game Boy, donc c'est d'où l'intensité un petit peu des sons. Maintenant, tiens, je pense qu'on devrait. D'habitude, on continue avec What Web, mais je pense qu'à la place, j'aurais envie de continuer avec chose, là. C'est un fait, Tech Edition? Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Dit avec tant d'entrain. Commençons donc avec les choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire, dans cette fait Tech Edition. En 1963, le 24 juin, la première démonstration d'un enregistrement vidéo. Cassette a été fait au studio de BBC News à Londres. Un Telcan qu'on appelait TELCAN s'était raccourci pour Television in a Can, donc une télévision dans une canne. Ça pouvait enregistrer jusqu'à 20 minutes de télévision noir et blanc en utilisant un ruban d'un quart de pouce avec un système reel-to-reel, donc d'une bobine à l'autre. En 1993, le groupe Severe Tire Damage a fait le premier concert Internet connu. Le band a installé son équipement sur un patio au Xerox Palo Alto Research Center. Ils ont envoyé leur spectacle sur Internet via le Internet Multicast Backbone, ou ce qu'on appelle le M-Bone. En 2000, le président Clinton a donné sa première adresse au public, comme tous les présidents font à chaque semaine à la radio et sur Internet, mais pour la première fois sur Internet en 2000. C'était le président Clinton. 25 juin 1967, c'était la date de l'ouverture du premier Consumer Electronics Show, donc la grosse foire de gadgets et autres, à New York, dans le Americana and New York Hilton Hotel. Je pense que c'est deux hôtels séparés, le Americana et le New York Hilton, voilà. C'était déjà, dès le départ, en 1967, une foire de produits d'électronique pour le consommateur, le client à la maison. Il y avait, entre autres, des téléportables couleur, ce qui était tout nouveau, et aussi des enregistreurs sur vidéocassette. Quand même pas super. En 1998, Microsoft sort Windows 98 avec beaucoup moins de buzz que Windows 95. C'était plus focusé vers le consommateur type. Donc, à la place d'être vraiment comme une grosse affaire, comme une révolution, c'était plus bon. Voici pour le consommateur à la maison, et non pas pour le bureau. C'est aussi la dernière version de Windows qui était supposée être basée sur DOS, mais plus tard, Windows Millennium Edition est sortie, qui était aussi basée sur DOS. C'était supposé être basé sur Windows NT, mais finalement, c'est allé sur DOS, donc ça a été le dernier qui l'était. Windows NT, c'est entre autres Windows 2000 qui était basé là-dessus. C'est pas la même technologie derrière. En 1974, à 8h01 du matin, un caissier, ça précise pas son sexe, donc caissier ou caissière, dans un supermarché, a scanné un paquet de gomme Wrigley, un paquet de 10 bâtons de gomme sur un scanner de code-barre dans un supermarché Marsh à Troy, en Ohio. C'était le premier produit à être scanné avec son UPC code. Donc les gens disent UPC code, mais le C veut déjà dire code. Donc c'est le Universal Product Code, voilà. À 27 juin 1967, le premier guichet automatique a été installé à Barclays Bank, une branche de Enfield Town en Angleterre, au Royaume-Uni. Premier guichet automatique. En 1972, Nolan Bushnell et Ted Dabney se sont incorporés pour Atari Inc. En tout cas, on remplit les papiers, la paperasse pour Atari Inc. Ils se préparaient à lancer leur premier produit qui était le jeu Pong, bien sûr. En 1995, Spyglass Inc. est devenu public, donc en bourse. C'est l'année après avoir commencé à distribuer leur furteur web Spyglass Mosaic Web Browser. Le Spyglass Browser, en fait, qui était derrière la première version de Internet Explorer. Et il y avait du code de Mosaic jusqu'à Internet Explorer 7. Incroyable, mais vrai. En 2008, Bill Gates a passé son dernier jour en tant qu'employé de la compagnie qu'il a fondée, Microsoft, pour focusser sur la fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Il est resté Chairman of the Board, qu'on appelle donc le président du conseil d'administration, si on veut. En 2012, Sergey Brin interrompt l'annonce de Google Plus pour montrer pour la première fois le projet Glass. C'est des lunettes intelligentes, en demandant à des skydivers, c'est quoi, des parachutistes, toi, si on veut, qui portent, en fait, il leur a demandé de porter des prototypes de Google Glass, et on les voyait dans une vidéo. Ils ont sauté d'un Zeppelin, ça c'est un dirigeable, je crois, et ils ont atterri au Moscone Convention Center, au centre-ville de San Francisco, tout ça en streamant la diffusion de leurs lunettes sur un Google Hangout. Le 28 juin 1982, Microsoft révèle un nouveau logo corporatif avec ce qu'on appelle maintenant le Blibbet, B-L-I-B-B-E-T, le Blibbet. Voilà, c'est des lignes horizontales dans le premier O de Microsoft. Des nouveaux emballages, un nouveau guide compréhensible de l'utilisation du logo, etc. Donc, le Blibbet. Et en 2011, Google a annoncé leur plus récent réseau social, Google Plus, qui vous permet de mettre vos amis dans des cercles et de partager des choses différentes par rapport à différents cercles. C'est un réseau social absolument génial. Je trouve ça très, très, très, très bien fait. Un très bon produit Google. C'est juste malheureux qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Donc, la plupart du temps, quand tu ajoutes quelqu'un sur Google Plus, c'est juste parce qu'il n'y a pas chaud d'en faire un compte pour pouvoir faire un commentaire sur YouTube ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une autre technologie qu'on essaie de nous gaver avec ce Google Plus-là, en l'insérant dans YouTube et d'autres endroits comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout. Le 29 juin 1975, Steve Wozniak a construit le premier prototype du Apple One. C'est le premier ordinateur à montrer des lettres, des caractères affichés à l'écran en même temps que tu les tapes, le Apple One. Et en 2007, le Apple iPhone a été vendu pour la toute première fois. Ouais, en 2007. Et pour terminer, le 30 juin 1948, le FCC, ça c'est la Federal Communications Commission, qui a autorisé les appareils d'enregistrement de conversations par rapport au service, ça dit Interstate or Foreign Telephone Service. Donc, pour les conversations téléphoniques, les utilisateurs du service devaient recevoir un avertissement adéquat avec un petit son qui se faisait aller à un intervalle régulier, à des intervalles réguliers. Bref, et donc on pouvait enregistrer les conversations à partir de ce moment-là, en 1948. Voilà. C'est tout pour ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. Les liens sont évidemment sur assemblagerequis.com pour les sources et tout et tout. Maintenant, parlons de jeux vidéo un petit peu sur la boîte nord-américaine du jeu Rayman Hoodlum's Revenge de Ubisoft. Il y a une erreur, une faute d'orthographe. L'apostrophe est placée au mauvais endroit entre Hoodlum et la lettre S. Donc, ça fait Hoodlum apostrophe S Revenge. Donc, ça fait comme si le sous-titre disait qu'il y avait seulement un seul Hoodlum et non pas plusieurs Hoodlum. Ça aurait dû être Hoodlum avec un S parce que c'est au pluriel et l'apostrophe pour après ça dire que c'est leur revanche à eux. C'est une règle assez... peut-être pas complexe, mais disons, pas assez connu par les gens qui écrivent sur Internet, entre autres, mais aussi sur les couvertures de jeux vidéo. Maintenant, on parle de Dead or Alive 2 de Tecmo Koei aux arcades, Dreamcast et PlayStation 2. La première sortie de la version PlayStation 2 est en fait un port qui n'avait jamais été terminé. L'équipe de développement avait 2 mois pour faire le port du jeu, le portage, donc changer le code pour qu'il soit compatible avec l'autre console. Mais avant que la deadline, la date limite arrive, le Sales General Manager, donc le gars des ventes finalement, a demandé « Hey, je peux-tu emprunter une copie du jeu? Hein? » Pourquoi pas, juste pour l'essayer, je vais vous dire s'il y a des problèmes, tu sais. Donc, il l'a amené chez lui, et ensuite, il l'a amené à la chaîne de production le lendemain. Hein? Donc, les créateurs, Tomonobu Itagaki, le créateur, est entré dans une dépression des plus sombres. Il a presque voulu arrêter de faire des jeux vidéo après ça parce qu'il en revenait pas que quelqu'un pouvait être aussi malhonnête que ça parce que c'était une version non finie qui a été amenée à la chaîne de distribution. C'est vraiment pas très gentil de la part du Sales General Manager. Donc, un petit peu de temps après ça, Itagaki et son équipe sont retournés retravailler sur le jeu. Ils ont créé une version très améliorée qui s'appelle Dead or Alive 2 Hardcore. Donc, si vous avez une version à vous procurer, c'est ben on fait l'original avec les bugs juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Moi, ça m'intéresse soudainement de voir cette version-là buggée. Ensuite de ça, Crash Tag Team Racing sur PlayStation 2 et PlayStation Portable par Activision. Un membre de la communauté Crash Mania, nommé Jump Button, était la première personne à envoyer un courriel à Darren Hesso, qui avait laissé son adresse courriel dans le générique du jeu, disponible dans la version NTSC du jeu. Darren Hesso avait dit que... en fait, a répondu au courriel de la personne qui lui a écrit, disant... voilà, oui, c'est ça. Jump Button a réussi à déprouver ma théorie que les seuls gens qui lisent les génériques de jeux vidéo sont les créateurs et développeurs des jeux vidéo. Donc, il y avait laissé son adresse ce courriel, justement, pour voir si quelqu'un lisait vraiment le générique. Bonne idée. On revient à Dead or Alive maintenant, la version 4, Dead or Alive 4 par Tecmo Koei sur Xbox 360. Le créateur de la série, Tomonobu Itagaki, a dit qu'il a passé la plupart de son temps pendant le développement à travailler sur le jeu et qu'il passait très très peu de temps à dormir, environ 10 minutes par jour. On se rappelle que c'est le même gars qui est dans le précédent fait, qui était presque allé en dépression parce que quelqu'un avait envoyé une version non finie du jeu à la ligne de production. Moi, je pense que aussi, peut-être que tu devrais dormir. Peut-être que ça te stresserait moins. Mais en même temps, je le comprends vraiment d'avoir été fâché. Maintenant, Ghostbusters de Video Game, un petit bloc spécial sur Ghostbusters de Video Game sur PC, PlayStation 2, 3, portable Wii et Xbox 360. Jason Hawes et Adam Berry de la série télévisée Ghost Hunters étaient supposés être dans le jeu, mais ils ont été enlevés avant que le jeu sorte. Les deux gars, dans l'ascenseur, quand y a un tableau qui s'appelle... juste après le Stay Puft Street Stage, voilà. Il y a deux exécutifs de chez Sony qui étaient supposément à l'origine, en fait c'était supposé être les deux gars de Ghost Hunters, donc ils avaient fabriqué les têtes, les modèles et tout et tout, mais ils n'ont pas réussi à avoir les droits légaux. Donc finalement ils ont changé ça pour que ce soit des exécutifs chez Sony qui voulaient être dans le jeu de toute façon, donc on les a mis. Mais tu sais, c'est pas marqué en dessous de leur nom, je pense pas, genre exécutif de Sony, c'est juste les gars de chez Sony qui savent que c'est eux dans le jeu. Les deux gardiens de sécurité dans la cinématique d'ouverture étaient modelés après Jesse Sosa et Ian Jesse Sosa et Ian McIntosh, qui sont character designers, donc les designers des personnages. À l'origine, les deux gardes de sécurité étaient supposés être Dan Aykroyd et Harold Ramis, les deux des vedettes de Ghostbusters, le film. C'est pour ça que dans le jeu, ils s'appellent Dan et Harold, mais finalement, ils ont changé leur face pour être les character designers. Je sais pas pourquoi, c'est pas dit. D'ailleurs, les visages des Ghostbusters dans le jeu ne sont pas des scans 3D des têtes des acteurs. En fait, c'est des renders qu'on appelle, donc c'est fait par logiciel en utilisant des photos du film. Le senior character artist Ian McIntosh dit, je cite, « J'ai sculpté leur visage à la main dans le logiciel Maya en utilisant des références photos que j'ai ramassées sur les DVD et même sur Internet. » C'est Google Images, ça sert pour tout le monde. Petit bloc spécial sur Watch Dogs maintenant. Dans certains véhicules générés au hasard, il y a une bonne chance que les clés vont avoir un porte-clés de My Little Pony. C'est quand même quelque chose. Donc, c'est un personnage de My Little Pony déguisé en Aiden. Directement dans le jeu, allez voir la petite vidéo pour vous montrer de quoi ça a l'air. Petite pouliche, le truc de pouliche My Little Pony, pour ceux qui ne suivent pas. Toujours pour Watch Dogs, un des feeds de caméra que, dans lequel le joueur peut hacker, montre un père en train de regarder son fils en train de jouer à un jeu vidéo. Le père se moque du fait que l'assassin du jeu parle aux gens qu'il tue. C'est une référence à Assassin's Creed, évidemment la série développée par Ubisoft, elle aussi, comme Watch Dogs, où un des protagonistes du jeu parle aux gens qu'il tue avant qu'il meure. Voilà. Dans Dragon Ball, maintenant, la série, le 9 mars 2011, Toei Animation a publiquement reconnu que le compositeur de musique Kenji Yamamoto avait fait du plagiat dans plusieurs de ses œuvres. Résultat, chacune des pièces qui étaient dans n'importe quel jeu de Dragon Ball était remplacée dans chaque sortie par après, subséquente, commençant avec Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Donc, chaque fois que le jeu a été refait, les musiques n'étaient pas les mêmes que dans les originaux. J'ai pas mis mes affaires dans l'ordre, excusez-moi. On revient à Watch Dogs. Ça me semble que j'avais un bloc spécial sur Watch Dogs aussi. Donc, en faisant un mod de la version PC, un utilisateur du nom de The Worst a découvert que la plupart des shaders et des améliorations graphiques présentes dans la version montrée à l'E3 en 2012 et dans les bandes annonces de 2013, dans le fond, ne sont pas utilisés en jeu final. Il y a plusieurs articles qui sont sortis à ce sujet-là. Ubisoft s'est défendu disant que ça faisait bugger le jeu de changer ces affaires-là, puis qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles ils ont, si on veut, downgradé les graphiques. Ils les ont descendus d'une coche par rapport à ce qu'on avait montré avant, qui était beaucoup plus spectaculaire. Donc, c'est possible que les versions, que les graphiques de la version PC, on parle seulement de la version PC dans ce cas-ci, ont été, selon les théories du complot, downgradées pour que les versions PlayStation 4 et Xbox One, qui sont pas aussi puissantes que les PC les plus récents, pour qu'elles aient l'air pareilles et non pas inférieures. Si on avait augmenté à leur maximum les graphismes sur le PC, les versions Xbox et PlayStation 4 auraient eu l'air moins belles par comparaison. C'est la théorie du complot qu'on a baissé ceux du PC pour les rendre au même niveau. Évidemment, Ubisoft dit que c'est pas le cas. Parlons un petit peu de Nintendo. Dans Nintendo Land, sur la Wii U, qu'est-ce que ça dit? Dans Pikmin Adventure, dans le tableau Out of the Darkness, il y a un château au début qui ressemble au château de Super Mario Brothers. C'est tout à fait vrai. Allez voir. C'est un hommage, probablement, parce qu'on sait que Pikmin a été créé par le même créateur que Mario et Donkey Kong. Dans Super Mario Kart, dans le livre officiel de l'utilisateur du joueur, on encourage les joueurs à regarder l'écran de de la personne contre qui tu joues. Vous savez que le jeu était divisé horizontalement quand on jouait à plusieurs. Ça dit dans le guide de regarder l'écran de ton ennemi, ce que la plupart des gamers de nos jours appelleraient du trichage, mais à l'époque, on nous le recommandait. Dans Mario Kart 64, dans la version sur la console virtuelle de la Wii, l'éclair a été changé pour pas avoir un flash aussi intense, probablement pour empêcher les crises d'épilepsie. Mais l'éclair dans Mario Kart 64, la version originale, était beaucoup plus intense, flashait beaucoup plus fort. Super Mario Kart sur la Super Nintendo maintenant, un reportage, une nouvelle de novembre 1992 dans Daily Yomiuri, qui fait partie du plus gros conglomérat de médias au Japon, disait que Luigi était en fait méchant. Je cite, le jeu le plus récent, Mario Kart, met en vedette des courses entre Mario et son frère diabolique Luigi sur un total de 24 pistes de Formule 1. Et pourtant, Luigi a jamais été mentionné comme étant quelqu'un de méchant. D'habitude, la version méchante de Mario, c'est Wario, et la version méchante de Luigi, c'est Waluigi. Mais bon, je sais pas où ils ont pris ça. Mais apparemment que pour eux, Luigi est un méchant. Dans Super Smash Bros., j'ai un autre fait de Mario Kart tant qu'à dans ce coin-là. Mario et Peach, si vous regardez la couverture de Mario Kart 8, le plus récent Mario Kart, Mario et Peach vont dans deux directions opposées. En fait, dans la direction opposée des autres joueurs sur la maquette de la couverture du jeu. On ne sait pas si les développeurs de la couverture se sont trompés ou que ça montre peut-être le mode bataille du jeu. On ne sait pas trop, mais ils vont à l'inverse des autres joueurs. C'est bizarre. Dans Super Smash Bros. Melee, parmi les textures dans le tableau Mushroom Kingdom. Vous allez voir la photo sur assemblagerequis.com, mais il y a des sushis dans les textures du tableau. Donc, dans le décor, tu sais, les textures sont utilisées pour colorer les plateformes sur lesquelles tu es debout et le ciel, etc. Il y a des sushis. Je sais pas comment il a été étiré ou déplacé pour pas avoir l'air de sushis, mais c'est quand même la texture, une des textures qui est utilisée. Dans Super Mario World, un logo pour un champignon 5-up. Donc, de 5 vies. Et en fait, je sais pas si c'est un champignon. Ça, en tout cas, on va continuer de lire. Je sais qu'il y a déjà une lune qui sert pour le 3 vies dans Mario World. Lorsqu'utilisé dans le jeu, le logo ne se montre pas correctement, ne s'affiche pas correctement. On peut avoir un 5-up en rebondissant sur des Wigglers, c'est un ennemi dans le jeu, ou en utilisant un code Game Genie. Il est complètement codé, mais la seule façon d'afficher le graphique la façon que le graphique est montré est incorrecte. La possibilité n'est pas correctement codée. Quand même. OK, cool. Un 5-up, c'est ça. Ça dit pas bien grand-chose de plus que ça. J'ai allé avec un dernier, tu sais. Dans Super Mario 64... j'ai pas l'extrait sonore. J'ai essayé de vous dire quelque chose, puis pas avoir l'extrait sonore, je trouve que c'est plate un petit peu. Mais la chanson Slider et la chanson Snow Mountain Theme sont toutes les deux des variations du thème principal de Mario 64 qui est joué dans le tableau Bob-omb Battlefield. Les chansons sont jouées à différents tempos avec différents instruments, mais c'est principalement la même chanson. C'est arrivé plusieurs fois, à ce que je sache, dans les séries de Mario, où une mélodie est réutilisée à travers le jeu, juste pour te faire un petit rappel. Mais donc, les chansons à écouter sont Slider et Snow Mountain, ainsi que la chanson régulière de Bob-omb Battlefield. Voilà pour cette Fate Edition. Désolé pour le manque de cette chanson-là à la fin, mais on va survivre à ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il nous reste encore Wow What Web à faire, mais avant ça, on est rendu à une autre chanson de Chiptune. On était rendu à Strawberry Crush par Imaginary. Donc, on va aller écouter ça à l'instant. On va se plan de show sur C'est Fou. Oh oui, Chiptune. êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Et la pièce Cityscape. C'était précédé de Strawberry Crush par Imaginary, deux autres chansons de chiptune qu'on retrouve sur assemblagerequis.com, bien sûr. Parlons, j'ai fait la même erreur tantôt, parce qu'on dirait que je réfléchis pas avant de le dire, ce mot-là. Parlons du net dans What Web. C'est What Web, le petit segment où on regarde ce qui se passe sur Internet en essayant de contourner un petit peu les choses dont tout le monde parle. Je sais que c'est un petit peu plus original, mais des fois, c'est difficile à déterminer qu'est-ce qui est vraiment populaire ou pas. Commençons avec une petite application qui s'appelle, qui est pour faire des avatars de poche. Ça s'appelle donc Pocket Avatars par Intel, compagnie révolutionnaire Intel. Donc, l'application sert de votre caméra qui est vers vous sur votre téléphone intelligent, iPhone et autres. Et combine votre expression faciale et votre voix avec un avatar animé. Donc, peu importe les mouvements que vous faites, sont appliqués aussi à l'avatar. Tu parles dans le micro, évidemment, la caméra utilise ça. Le micro et la caméra se combinent pour faire un dessin animé de vous. Et ensuite, vous pouvez envoyer le message. L'application a 40 avatars différents. Environ la moitié sont gratuits. Ensuite, 1$ pour débloquer le reste, comme toutes les applications du monde en ce moment avec les free in-app purchases. Donc, on peut partager par SMS, courriel, Twitter. Il y a entre autres des Kalinours, des bonhommes Lego, Barack Obama et plein de personnages de dessins animés. Étant donné que c'est Intel, une multinationale, ils ont réussi à s'acheter les droits de tout ça. C'est vraiment bien. Restons dans les applications. Il y en avait une autre tantôt. C'est celle-là pour envoyer des photos anonymes de votre entregent masculin à un médecin pour te faire diagnostiquer. Donc, ça s'appelle First Derm, une application qui te permet d'envoyer anonymement deux photos de ta saucisse à un médecin pour 40$ et avoir une analyse de maladie ou d'infection transmissible sexuellement en dedans de 48 heures. Donc, si, mettons, ça pique à quelque part, ben, il va pouvoir, juste par l'apparence de ton engin, peut-être déterminer quelque chose, diagnostiquer quelque chose. Donc, le diagnostic, comme je disais, coûte 40$, mais ça enlève quand même la visite chez le médecin, qui est gênante pour plusieurs. 70% des cas peuvent être traités seulement en regardant et avec un médicament qu'on peut acheter en pharmacie. Donc, les chances sont quand même bonnes que tu n'auras pas du tout à visiter un médecin. C'est ce qu'on nous dit. Malgré le fait que l'application détecte maintenant d'autres, pas détecte, mais il y a des gens qui, dans le fond, les médecins qui se servent, qui sont derrière ce service-là, peuvent détecter aussi d'autres problèmes de peau. Quand même, 70% des photos reçues par First Derm sont ben, en dessous de la taille. Hein? Quand même. Maintenant, parlons d'un site web qui s'appelle timesify.com, T-I-M-E-S-I-F-Y. Vous pouvez prendre n'importe quel article de n'importe quel site, que ce soit Radio-Canada, TMZ, un site de potin, n'importe quoi, et changer ça en site super crédible du New York Times pour ne pas avoir honte de lire un article sur une petite vedette de la pop ou Justin Bieber, des trucs comme ça. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est transporter le petit bouton Timesify dans ta barre de signet, de favoris. Et quand tu es sur n'importe quel site tout croche, tu cliques sur Timesify et ça le transforme. Je pourrais même le faire ici, tiens, sur cet article-là de nerdapproved.com. Si je clique sur Timesify, ça nous donne « More bodies pulled from collapsed building in India », donc d'autres corps trouvés dans une bâtisse écroulée en Inde. Et en dessous de ça, évidemment, tu as une photo de quelque chose de vraiment super triste en Inde. Les photos en haut, le texte a tout l'air de ça, sauf que l'article lui-même est l'article que tu voulais. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de l'article qui change. Je trouve que c'est bien fait et ça peut avoir l'air vrai pour pas mal tout le monde, je pense. Donc, c'est timesify.com pour avoir l'air crédible en train de lire des choses pas crédibles du tout. Une vidéo maintenant, c'est VideoGrep. C'est un logiciel qui fait des supercuts automatiquement. Vous avez sûrement vu sur Internet des supercuts de, par exemple, bon, tous les sacres dans tel film ou toutes les fois qu'on montre une valise de char dans les films de Quentin Tarantino. Des trucs comme ça, on en a déjà parlé fréquemment ici au Mathieu Plante Show. Et bien, VideoGrep, c'est un script en Python qui cherche dans le dialogue des vidéos et qui monte lui-même une supercut basée sur ce que ça trouve. Donc, c'est comme un générateur de supercut basé sur une command line. Le code est disponible sur GitHub. Là, ça devient un petit peu compliqué pour le commun des mortels d'aller chercher ça et de le compiler, de faire fonctionner ça. Mais ce que ça fait, c'est que les gens peuvent s'en servir et ça a créé des vidéos quand même le fun à regarder. On va y aller avec celui-là ici. C'est Time in Time. Donc, on a pris toutes les mentions du mot Time dans le film In Time. Qui comprend surtout le mot time, je pense, finalement. On n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de m'en faire avec ça. À moins de pouvoir trouver plus de temps. Le temps. Is now the currency. Et maintenant, l'argent produit. C'est un film avec Justin Timberlake. Qui a le temps pour une copine? J'ai plus le temps de jouer. En temps réel. Je pense qu'il y a des zones horaires. C'est dur à traduire le mot time, parce que c'est tellement de significations. Le film s'appelle In Time. Il doit durer, j'imagine, une heure et quart, une heure et demie, comme tous les films moyens. Il y a 3 minutes 38 de time. Et pas de générique au début, c'est juste time. Bref, c'est fait par un script, donc automatiquement, pas eu besoin de imagine comment ça doit être difficile d'aller dans le script, chercher chaque mention à quel moment, et après ça, prendre l'extrait, le couper, le monter. C'est vraiment super difficile. Donc, ça cherche dans les sous-titres, les vidéos sur Internet. Tu peux leur faire, tu peux extraire du DVD les sous-titres et faire un fichier SRT. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour ce script-là. Voilà, allez voir les renseignements et comment le télécharger sur assemblagerequis.com. Ensuite, il y a des gens qui ont recréé Super Mario dans la vraie vie pour un enfant qui avait le cancer. Donc, c'était à Prince Albert, au Canada. Hein? Un garçon de 10 ans nommé Patrick aime tellement Super Mario Brothers. Et il y a un cancer terminal du cerveau, donc son dernier souhait était de jouer à une version dans la vraie vie du jeu. Et pour exaucer son souhait, la fondation Children's Wish Foundation of Saskatchewan a ramassé plus de 50 bénévoles. Et ils ont fait cette production-là en dedans d'une semaine. Évidemment, je ne ferai pas jouer l'extrait au complet. Je pense que vous savez un petit peu à quoi vous attendre et ça ne vous donnerait pas grand-chose de vous le montrer. Mais le lien est sur assemblagerequis.com. C'est dans un genre de cinéma. Et Patrick joue au jeu en donnant des instructions aux acteurs. C'est vraiment cool. C'est via CTV News. Allez voir sur assemblagerequis.com. Les fans de Game of Thrones, Trône de Fer, aime faire différentes versions, différents covers de la chanson du générique d'ouverture. Et le YouTuber James Yule en a fait une version que moi je trouve vraiment bien. Donc à la place de faire des arrangements d'instruments super élaborés, cette version-là met en vedette le personnage, un des personnages préférés de tous et chacun, celui joué par Peter Dinklage, et ça donne ça comme chanson, c'est drôle. C'est pas le genre de vidéo que vous allez voir à vlog. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve ça inutile, mais tellement drôle. Version seulement avec Tyrion Lannister dans chacun des extraits. Et le nom de Peter Dinklage chanté. Ça fait une belle musique de fond aussi, tu sais. Tant qu'à parler de Game of Thrones, il y a tellement de versions. La semaine passée, j'en ai fait jouer une. Je pense que j'en fais jouer à chaque semaine des versions de Game of Thrones parce qu'en ce moment, c'est ce qui est le plus répandu. Ici, celle-là a été créée, la prochaine, par un garçon de 24 ans, russe, un producteur nommé Steve Douze, D-U-Z-Z. Et c'est une version très, très néon des années 80. Donc, arrêtons Peter Dinklage, pour entendre cette version des années 80. Je la trouve vraiment bonne. Steve Douze et sa version années 80 de la chanson thème de Game of Thrones. Je vous ai pas posté ça sur assemblagerequis.com parce que ça fait vraiment le tour d'Internet. Celle qu'on vient d'entendre, je l'ai posté, mais la petite vidéo où on refait la chanson thème de Game of Thrones avec un look cassette VHS des années 80-90. Je me suis dit que tout le monde l'avait vu, mais c'est vraiment bien fait. Donc allez le chercher, c'est Game of Thrones genre VHS. Là. C'est parfait. La chose avec les médias sociaux, hein, c'est que c'est pas super social. Je pense qu'on le sait tous. Hein. On peut connecter avec des gens, t'sais, rencontrer du monde, mais quand même, c'est pas aussi réel que la vraie vie. Hein? Donc, envoyer un message en ligne, c'est pas la même chose que d'envoyer une vraie lettre. Et si on pouvait combiner les deux, ce qu'on essaie de faire avec Social Planes, c'est super simple. C'est des morceaux de papier réalisés par Caio Andrade, Raphaël Ochoa et Lynn Levin Wexel et l'équipe chez Canoo. Donc, c'est des avions de papier avec les logos et les couleurs qui vont avec chacun des réseaux sociaux. La plupart, c'est bleu. On s'entend que Facebook, c'est bleu. Twitter, c'est bleu. Il y a WhatsApp qui est vert et Snapchat qui est jaune. Je sais pas, il aurait pu faire du Instagram. J'imagine qu'on aurait pu poster une photo. Sur papier, ça aurait été cool. Instagram, tu mets ça brun. Donc, c'est ça. Il y a le logo dans le coin. Et on écrit son message dans le milieu. Ensuite, on plie ça sur les lignes pour faire un avion et on envoie ça. Fiu! Je sais pas la différence entre ce que tu posterais sur, Snapchat entre Twitter et Facebook ou entre Twitter et WhatsApp. Peut-être que Snapchat, au moins, c'est un dessin, c'est quelque chose de petit peu plus coloré. Quoique ça pourrait être ça sur n'importe quel autre aussi. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire, mais il y a un petit espace pour écrire et on le plie et on l'envoie. Donc, allez voir ça, c'est Social Planes, où on peut télécharger tout ça sur socialplanes.org. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de téléphone et le slogan. Des gifs animés, maintenant, qui a dit que la géométrie ne pouvait pas être amusante, nous demande le Huffington Post. Un étudiant en physique originaire de Dublin, David White, a trouvé un excellent moyen de fusionner deux passions, les gifs et la géométrie. En 2011, David a créé le Tumblr Bees and Bombs, où il poste régulièrement des gifs animés de toutes sortes. Au départ, c'était surtout des choses stupides ou drôles pour amuser ses amis, ou des créations tirées de vidéos de la pop culture. Puis c'est en découvrant un autre Tumblr avec des gifs animés de forme géométrique, DVD Pic, que David décide de faire de même. Il se sert alors d'un site de programmation destiné à créer des gifs qui s'appelle Processing, et il inonde depuis fin 2011 son Tumblr de ses créations. Donc, allez voir, le lien est sur assemblagerequis.com. C'est des gifs animés qui ont l'air tellement... On dirait du beurre tellement ça coule. C'est super bien fait. On dirait des illusions d'optique par moment. C'est très, très beau. Et on va terminer avec un dernier, une dernière affaire, parce que c'est tout le temps qu'on a. On va l'entendre pour presque se quitter. On va revenir après pour la conclusion de l'émission. Mais c'est la chanson thème. Vous vous rappelez peut-être des gens de chez Saturday Morning Slow Jams. On a déjà entendu quelques-unes de leurs chansons. Et là, ils refont la chanson thème de Sailor Moon. Oui. Ça, c'est le bout le plus impressionnant où ils chantent en japonais. Donc, Saturday Morning Slow Jams, vous les connaissez entre autres pour leur remake de la chanson des Teenage Mutant Ninja Turtles. Celle-là était chantée par un gars, donc c'est pas tout le temps la même personne qui chante. Allez les retrouver, vous pouvez même acheter leur trame sonore de 12 chansons sur iTunes en ce moment. C'est vraiment cool comme concept de reprendre des dessins animés des années 80-90 de notre jeunesse. De les refaire version slow jam, jazzy un petit peu, avec piano, batterie, bass et le petit tambourine qu'on a. Voilà donc pour ça, slow jam, retrouvez le lien sur assemblagerequis.com comme tout ce qu'on mentionne dans le Mathieu Plante Show. Voilà. Arrêtons ça et terminons l'émission ici parce que oui, c'est déjà terminé pour notre édition du Mathieu Plante Show. Dernière émission avant les vacances d'un mois. Je l'ai mentionné en début d'émission. Il n'y aura pas d'émission en direct pour les prochaines semaines. Je peux déjà vous annoncer qu'il va y avoir des émissions préenregistrées avec la suite de Double the Trouble, notre hommage à Donkey Kong Country 3. C'est pour ça qu'on n'a pas joué de chansons aujourd'hui. On est rendu au début du CD2. Donc, on va se clencher le CD 2 et 3 minimum pendant les prochaines semaines. Je peux pas vous dire les dates, je peux pas vous dire quand, ça va être décidé plus tard, mais allez voir assemblagerequis.com pour toutes les informations. Et on se retrouve donc, peut-être pas en direct, mais au moins là, lundi prochain entre midi et 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Consultez la programmation sur cif.ca. Retrouvez tous les liens et les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Aimez la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe effective du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye! On se retrouve au mois d'août!